Vie et aventure de Turo le Corsaire par Jules Trousset. Le 25 décembre 1758, le roi Louis XV présentait à Madame de Pompadour un marin dont le nom, aujourd'hui presque oublié, se trouvait alors sur toutes les lèvres. On racontait de lui des choses merveilleuses. On lui donnait le titre de héros. On disait que seul il savait combattre et vaincre les Anglais. La belle favorite, qui avait poussé à la guerre de 7 ans pour se venger des épigrammes du roi prussien Frédéric II, voyait ébranler son crédit après chacun de nos désastres. De toutes parts, on se déchaînait contre elle. On lui décochait l'injure, on lui rimait des vers sanglants, on la menaçait du poison et du poignard, on la rendait responsable de la honte infligée à nos armes. La fièvre semblait la consumer et l'agiter nuit et jour. Elle ne dormait plus qu'avec l'aide de calmants. On peut juger de la joie qu'elle dut ressentir lorsqu'on lui annonça qu'il y avait enfin un homme capable de résister aux Anglais et de relever la marine française dont l'ancienne gloire s'éclipsait de jour en jour. Cet homme, ce marin, c'était François Turo, le jambard du XVIIIe siècle, le corsaire de Dunkerque, la terreur des rivages écossais. Quoique d'origine plébéienne, il se présentait avec l'aisance et la distinction du plus parfait gentilhomme. Son regard plein de feu annonçait le courage et le génie. Sa taille était petite mais bien proportionnée. Enfin, une mise élégante, un visage jeune et agréable, une conversation qui n'était pas dénuée d'esprit, donnaient de lui une opinion favorable dès le premier abord. C'est dire qu'il plut à l'aristocratique marquise. Sa réputation était solidement établie. Madame de Pompadour avait entendu 20 fois le récit de ses prouesses. Il ne fut pas difficile de lui persuader que la France avait trouvé le grand homme que l'on attendait comme le Messie pour remplacer les officiers de hasard qui se faisaient battre à plate couture à chaque fois que l'occasion s'en présentait. Turo était donc l'homme de la situation. Madame de Pompadour lui annonça qu'elle allait lui donner une importante mission. Il méritait bien cette confiance. Sa valeur n'était égalée que par sa ruse. De tous les ports d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, on détachait chaque jour des escadres contre lui. Des briques, des frégates, des vaisseaux même croisaient continuellement le long des côtes. Mais il était insaisissable. Il ne se montrait que là où on ne l'attendait pas. Il semblait avoir le don de l'ubiquité. À quelques heures de distance, il faisait une prise sur les côtes d'Écosse et une autre près de celle d'Irlande. Avec l'argent inutilement dépensé à le surveiller, on aurait pu équiper une flotte. Les dames racontaient de lui des choses étranges. Sa galanterie passait en proverbe. L'ennemi le craignait presque autant comme séducteur que comme guerrier. On n'embarquait plus ni Miss ni Lady, tant on redoutait l'amabilité de cet effronté corsaire des cœurs, dont l'élégance se doublait d'une générosité toute française. Il avait des insignes comme un amiral. Sur la lame de sa longue épée, aujourd'hui précieusement conservé au musée des antiquités écossaises d'Édimbourg, se voit encore, profondément gravé, l'emblème qu'il avait choisi, un limier poursuivant une troupe de biches. On doit remarquer à l'honneur de ce grand homme qu'il se distingua toujours par sa générosité, son humanité et sa compassion envers ceux qui tombaient entre ses mains. Un jour qu'il avait capturé un navire marchand venant des colonies, le capitaine de cette prise fit certains signes qui dénotaient un franc-maçon. Turo lui tendit la main. À la manière dont le capitaine donna la sienne, il ne restait plus de doute au corsaire, c'était un frère en maçonnerie. Turo lui demanda « Quel est votre armateur ?»« Hélas !» répondit le capitaine, « je n'en ai pas. Ce navire m'appartient, en le perdant, je suis ruiné. » Alors, le corsaire s'adressant à ses marins « Enfant, leur dit-il, voici un pauvre homme que nous allons réduire à la misère. Mon avis est de le laisser aller. Nous ne tarderons guère à nous dédommager sur quelque autre plus fortuné. » Voyant que son équipage manifestait bruyamment sa désapprobation, « Laissez-moi finir, » s'écria-t-il, « vous ne perdrez rien. Je vous payerai de ma poche le dividende de cette prise. » À cette proposition, l'on n'avait rien à dire. On évalua la capture et le franc-maçon s'enfuit avec sa cargaison qui l'avait échappé belle. Turo n'était pas seulement un marin redouté, on se plaisait à lui reconnaître une foule de ses qualités aimables qui sont si nécessaires à celui qui veut réussir auprès des grands. Il écrivait et parlait l'anglais avec autant de facilité qu'un membre du Parlement. Quant à la langue française, il l'avait étudiée à fond et la cultivait sous sa forme la plus élevée. Il n'était bruit que de ses exploits. Tout le monde voulait le voir. On admirait Turo comme autrefois, à la cour de Louis XIV, on avait admiré Jean Bart. On lui demandait comme une grâce le récit de quelqu'un de ses combats. Mais il était très sobre de renseignements et laissait le mystère planer sur sa vie. On ne savait même pas où il était né. Il répondait vaguement lorsqu'on l'interrogeait là-dessus. Il craignait de détruire son prestige de marin, en sabots en bourguignon. On le disait irlandais. Il semblait affirmer cette croyance en ne la démentant pas. Voici la vérité sur son origine. François Turo était né le 21 juillet 1727 à Nuits-en-Bourgogne. Son père, bon bourgeois, maître de poste et marchand de vin, connaissant l'utilité de l'instruction, lui donna les meilleurs professeurs. À sa mort, le jeune François, mis au collège des Jésuites de Dijon, y fit de brillantes études, à la fin desquelles il entra le 1er mai 1743 en apprentissage chez un maître en chirurgie nommé Lardillon. L'année suivante, il était chirurgien à bord d'un corsaire que l'on avait armé à Dunkerque. Peu de temps après son embarquement, au mois d'août 1744, ce bâtiment fut enlevé par les Anglais et Turo vint passer quelques mois à Douvres. Comme il n'appartenait pas à la marine royale, il ne devait pas espérer qu'un échange le délivrerait. Il ne compta que sur lui-même et parvint à s'évader. Un petit canot, un aviron, sa chemise en guise de voile l'amenèrent à Calais en une nuit. L'hardiesse de cette évasion fit du bruit. Le maréchal de Belle-Île, qui sortait lui aussi des prisons anglaises, voulait voir le héros de cette aventure. Il fut charmé de la manière dont Turo lui fit le récit de sa navigation, et persuadé que l'on pouvait attendre beaucoup d'un homme qui, à l'âge de 18 ans, avait exécuté une pareille entreprise, il lui recommanda de s'appliquer à l'étude de la marine et lui promit sa protection. Turo se fit mousse à bord d'un corsaire. En 2 campagnes, il devint capitaine à l'âge de 20 ans. La paix de 1748 le força de se livrer au commerce. Mais il avait juré haine à l'Angleterre. Ne pouvant plus combattre à coups de canon, il imagina une autre manière de s'enrichir aux dépens de nos voisins. Il devint contrebandier. Et pour réussir dans cette dangereuse profession, il se fit aider, à ce que raconte la chronique, par la complicité de plusieurs jolies dames qui n'avaient pu résister à l'attrait de sa jeunesse et à la vivacité de son esprit. Ses bénéfices étaient immenses. Il arrivait à la fortune lorsqu'un jour son navire, pris en flagrant délit, fut confisqué à Londres avec toute sa cargaison. Ruiné par ce coup, Turo, ne pouvant se venger autrement, enlève à l'Angleterre une de ses plus précieuses perles fines, Miss Smith, fille d'un apothicaire chez lequel le galant contrebandier allait souvent passer la soirée et faire de la musique, car il chantait agréablement, jouait de la flûte, de la trompette et du cor. Depuis ce jour, il ne se sépara plus de cette belle blonde, il fixa sur elle son affection et lui fit fidèle de cœur. Elle ne le quitta plus, partageant tous ses périls, naviguant à son bord, assistant à ses combats, applaudissant à ses victoires sur les Anglais qu'elle avait pris en haine, tant était profonde la passion que le corsaire avait su lui inspirer. Enfin, la guerre ayant de nouveau éclaté en 1755, Turo reçoit le commandement d'un navire. 2 ou 3 croisières firent parvenir son nom à la cour. Il avait pris, coulé bas ou brûlé tous les bâtiments assez malheureux pour se trouver sur sa route. Le maréchal de Belle-Île, qui ne l'avait pas oublié, se mit un jour à le vanter devant le roi. Cela lui valut le grade d'officier de la marine royale. On lui confia le commandement de la corvette La Friponne, avec la mission de croiser dans la Manche. En quelques mois, la Friponne captura 63 navires anglais. Jean Bart lui-même n'avait jamais été si vite en besogne. Malheureusement, la vaillante corvette faisait comme ces fiers coursiers que leurs cavaliers surmènent. Elle refusait le service. Turo, ne pouvant plus compter sur elle, vint trouver le maréchal-duc de Belle-Île, qui était un de ses admirateurs. Le corsaire fit part du fâcheux état de la Friponne au maréchal, qui lui fit donner la Belle-Île et le Chauvelin et 2 corvettes. Le Bancien et le Gros Thomas, qu'on venait d'armer à Saint-Malo. À la tête de ces 4 navires, Turo recommença ses courses. Il était le principal, le plus renommé de tous les corsaires qui affligeaient en ce moment le commerce de nos voisins. D'après les documents anglais, du 1er mars au 10 juin 1757, c'est-à-dire en 40 jours, les corsaires français capturèrent 200 navires. Le chiffre total de leurs prises, en 4 années, de juin 1756 à juin 1760, se monte à 2539 bâtiments. À peine sorti du port, Turreau est attaqué par un vaisseau de guerre, le Southampton, qu'il met hors de défense avant que le reste de la flottille ait eu le temps de le rejoindre. Quelques jours après, assailli par 3 frégates ennemies, il les force, après 3 heures et demie de combat, à se retirer. Une tempête le sépara de sa flottille. Seul, il trouve moyen de tenir la mer pendant près de 2 ans, malgré la multitude des flottilles ennemies qui mettaient d'autant plus d'empressement à sa recherche qu'il faisait perpétuellement des prises. Il fondait comme un oiseau de proie sur leurs bâtiments de transport et de commerce à l'instant où il était le moins attendu et devenait, pour ainsi dire, invisible. Le 11 mai 1758, croisant le long des côtes d'Écosse, il va se placer carrément en face d'Édimbourg, dont le port de Leith était plein de navires de guerre. 2 frégates anglaises, considérant son attitude comme une provocation, sortirent du port sous toute voile, espérant le voir disparaître. Mais il les attendait. Il était là de prendre toujours des bâtiments marchands. Il désirait une bonne bataille pour se remettre la main. Les Anglais ne pouvaient croire à tant d'audace. Ils s'avancèrent avec défiance, craignant un piège. À gauche venait la frégate La Solbay, capitaine Robert Craig, et à droite la frégate Le Dolphin, capitaine, plus tard amiral, Benjamin Marlowe. Comme Turreau présentait le flanc, l'ennemi vit bien qu'il comptait franchement le combat et ne songeait nullement à fuir. Cela semblait étrange, mais avec les corsaires, surtout avec des corsaires comme Turreau, il ne faut jamais s'étonner de rien. La bataille s'engagea sur les 7 heures du matin au large du cap rocheux et élevé qui se nomme le Redhead of Angus. Turreau fut d'abord attaqué par le Dolphin qui le canonna pendant 1 heure et demie jusqu'à l'arrivée de la Solbay. Alors la danse commença pour tout de bon. Jamais les Anglais n'avaient sauté pareille gigue. À midi, ayant perdu 80 hommes tués ou blessés, Turreau fit cesser la musique. Il se retira tranquillement, comme du bal, et continua sa croisière avec l'assurance d'un homme qui ne craint rien. Quant aux frégates ennemies, elles furent forcées de se faire remorquer pour rentrer au port à la hâte. Elles n'avaient plus ni voile, ni manœuvre, ni mât. Elles étaient littéralement estropiées. Le Dolphin avait perdu 60 hommes et la Solbay 80, y compris son capitaine. Pendant plus d'un mois, les gazettes anglaises livrèrent en pâture à la curiosité publique des détails sur les circonstances invraisemblables de ce combat extraordinaire. Quelques jours plus tard, la Belle-Île ayant besoin de réparation, force fut aux corsaires d'abandonner ses parages. Il se rendit à Christensund en Norvège avec 14 navires capturés. Le 13 juillet, ayant repris la mer, il tomba au milieu d'une flottille de 20 pingues armées en guerre et portant une riche cargaison. Presque assuré de la victoire, ses navires entourent la Belle-Île et la criblent de coups de canon. Elle riposte avec tant de force et tant d'adresse qu'elle les met en fuite et parvient même à en capturer 2. Elle revint aussitôt à Christiansund vendre ses prises et reposer ses équipages. Le 2 septembre, Turreau prit dans le même jour un brick de 18 canons et 2 gros bâtiments qui sortaient du canal Saint-Georges. Durant toute cette année 1758, jusqu'au 12 décembre, il croisa dans la mer du Nord, où il causa d'énormes pertes au commerce de l'ennemi, particulièrement aux Écossais. Enfin, il revint à Dunkerque, où il arriva couvert de blessures et de gloire. Toute la France retentissait du nom de François Turreau. On se racontait ses exploits, on les commentait, on applaudissait aux corsaires. C'est alors que Louis XV voulut le voir et qu'il le présenta à Madame de Pompadour. Turreau avait un projet, c'était de faire une descente en Irlande. Il donna des plans parfaitement conçus, présenta les moyens qu'il emploierait, démontra la certitude du succès et prouva que les bénéfices de l'expédition dédommageraient amplement ses dépenses. Le ministre approuva ce projet, malgré le dénigrement de plusieurs gentilshommes jaloux de ce qu'un homme né dans l'obscurité eût fixé l'attention du monarque. On avait besoin d'un homme prudent, habile et intrépide, qui pût en imposer aux ennemis. La France entière désignait l'invincible capitaine de la Belle-Île, le maréchal, son zélé protecteur, qui savait que personne n'était plus propre que Turreau à une expédition qui exigeait de la bravoure et de l'enthousiasme, sollicita et obtint pour lui le commandement d'une escadre. Le ministre et Turreau s'étant mis d'accord sur la meilleure manière de tracasser d'insulter et de ruiner l'Angleterre, un armement fut soigneusement équipé à Dunkerque. Il consistait en 5 frégates et une corvette. Le but était d'opérer une ou plusieurs descentes sur les côtes d'Irlande et par ce moyen de détourner l'attention des Anglais, tandis que M. de Conflans pourrait les occuper d'un autre côté. Favorisé par un brouillard épais, Turot sortit de Dunkerque le 15 octobre 1759. Le lendemain matin, échappant au commodore anglais Boys, qui bloquait toute la côte, il vint jeter l'ancre en face d'Ostende. Sa petite escadre se composait de la maréchale de Belle-Île, la Blonde, le Terpsichore, la Marante, le Bégon. Total 166 canons, 736 marins, 1400 soldats. Les troupes de terre, composées surtout de Suisses, d'Irlandais et d'Écossais, étaient sous les ordres du brigadier Flaubert. Aussitôt que le ministre anglais eut avis que Turot était parvenu à sortir de Dunkerque, on envoya des courriers à tous les commandants des troupes de la Grande-Bretagne septentrionale, avec ordre de se tenir prêt à repousser les Français. Le plus grand éloge que l'on puisse faire de ce fameux corsaire est de rappeler les alarmes que son petit armement causa dans un si vaste et si puissant empire dont les flottes couvraient l'océan. Le 17, Turot, quittant la rade d'Ostende, se mit en route pour le Danemark. Il n'agissait ainsi qu'afin de donner le change aux ennemis. Il demeura plusieurs jours à Gothenburg, où il se répara et où il mit en sûreté plusieurs prises qu'il avait trouvé moyen de faire au milieu des flottes formidables que les Anglais avaient jetées à sa poursuite. Comment traversa-t-il ces flottes qui croisaient continuellement dans les mers du Nord? C'est ce que nous ne saurions dire. Quelques jours plus tard, on le vit tout à coup devant Aberdeen, ville importante à l'est de l'Écosse. La côte était mise en état de défense, on l'attendait. Les forts étaient armés, des fanaux répandaient au loin l'alarme et signalaient les mouvements de l'effrayant corsaire. Chaque ville avait reçu 200 hommes de garnison. Des batteries se hérissaient de canons sur les points abordables. Les milices de l'Écosse entière étaient sous les armes, comme au temps des grandes invasions. Le commodore Boys sillonnait en vain la mer du Nord, à la recherche de l'insaisissable Turot qu'il poursuivait à la tête d'une flotte. Le corsaire, avec sa rapidité ordinaire, voltigeait de rivage en rivage. À quelques heures de distance, on signalait son arrivée sur les points les plus opposés. Bientôt la mer devint intenable. Boys dut se mettre à l'abri. L'escadre française n'en pouvait faire autant. Battue par une incessante tempête, elle continua bravement sa croisière. Un jour, les habitants virent avec joie sombrer un des bâtiments qui la composait. C'était la Bégon qui s'entr'ouvrit, coula et disparut avec tout son monde, matelots et soldats, sans qu'un seul pût échapper au désastre. Les vents menaçaient à chaque instant de jeter les autres frégates sur les rochers. De temps en temps, une neige épaisse obscurcissait l'atmosphère et augmentait le danger en le cachant. Enfin, le 24 janvier 1760, l'air s'étant éclairci, on vit la petite escadre menacer la ville de Derry, en Irlande. Mais une nouvelle tempête la précipita dans le canal Saint-Georges, où la Blonde se trouva forcée de jeter une partie de son artillerie à la mer. C'est vers ce moment que commença à se manifester la sourde haine que les officiers de l'armée du roi nourrissaient contre Turot, contre ce plébéien, cet officier de fortune. Les préjugés de naissance reprenaient le dessus. Les capitaines allaient jusqu'à dire « Puisqu'il n'est pas noble, il ne peut être officier. De quel droit veut-il nous commander ?» Le 11 février, le capitaine de la Marante, ne voulant pas subir plus longtemps l'humiliation d'être placé sous les ordres d'un aventurier, quitta la division et s'en revint en France. Déjà, depuis plusieurs jours, le Faucon en avait fait autant. L'escadre ne se composait donc plus que de 3 frégates, et encore, on ne pouvait guère compter sur elle. La longueur presque inexplicable de la traversée et de petits sentiments de rivalité avaient aigri les capitaines des frégates. Les officiers de troupes ne cherchaient pas à dissimuler leur mauvaise humeur, et la conduite de Flaubert envers Turot contribua beaucoup à augmenter une animosité qui ne demandait que des occasions pour se manifester. Un jour, Flaubert dit au chef d'escadre « Si demain, à 6 heures du matin, nous ne sommes pas dans le port de Londonderry, je vous ferai arrêter et je m'emparerai du navire. » Puis il appelle toute la garde en armes pour se saisir de Turot. Celui-ci entre dans sa chambre, s'empare d'une paire de pistolets et vient, sur le gaillard, défier le plus hardi de mettre la main sur lui. Plus sage que leur général, les soldats refusèrent d'obéir. Les officiers intervinrent et le calme se rétablit pour un moment. Mais de semblables exemples n'étaient guère de nature à maintenir la discipline. Les équipages, affamés, fatigués, épuisés, ne pouvant plus continuer le service, Thurot se décida enfin à s'approcher de la côte. Il se trouvait dans le Sound de Jura, à l'ouest de l'Écosse. Il prit terre avec quelques-uns de ses officiers, et tout en traitant de l'achat des denrées qui lui étaient indispensables, il eut la douleur d'apprendre la honteuse défaite des Français commandés par le maréchal de Conflans. Dès lors, son expédition, destinée à faire une diversion, pouvait être considérée comme terminée. C'était du moins l'avis de ses officiers, mais Thurot ne partageait pas leur opinion. « J'ai reçu l'ordre de tenter une descente sur les côtes d'Irlande, et ce serait vraiment honteux de rentrer sans avoir rien fait, » répondait-il quand on lui parlait de revenir en France. Monsieur de Flaubert, chef des troupes de débarquement, noble à plusieurs quartiers, et qui traitait Thurot avec le plus profond mépris, voulait s'en retourner. Comme le marin résistait, « Je vais vous faire fiche à fond de cale !» cria le brigadier. Et appelant l'officier de piquet, il lui demanda quatre hommes et un caporal pour arrêter le chef d'escadre. Il fut très difficile de l'apaiser. On y parvint, et après bien des discussions, il fut convenu que l'on opérerait une descente. Le 22 février, les troupes débarquèrent en face de Carrickfergus, en Irlande, au moment où l'ennemi s'y attendait le moins. La garnison, composée de quatre compagnies, prit à la hâte ses dispositions pour la défense, tandis que les habitants, effrayés, déguerpissaient et fuyaient dans toutes les directions. La troupe française, commandée par le brigadier Flaubert, s'avança, pillant les fermes abandonnées. Elle y trouva quelques chevaux, bien utiles en ce moment, pour remonter les hussards qui accompagnaient l'armée. Dans la ville, les rues étaient barricadées. Les habitants s'étaient mêlés aux soldats. Ceux qui n'avaient pas d'armes se défendirent à coups de pierre. Smollett nous raconte que pendant que les troupes étaient chaudement engagées dans les rues, un petit enfant, insoucieux du danger, courut en jouant au milieu des combattants, sur quoi un soldat français, posant son arme, l'emporta dans ses bras et vint ensuite reprendre son mousquet et recommencer à se battre. La garnison finit par se rendre, sous condition. Les officiers restèrent prisonniers sur parole. Il fut convenu que les soldats, considérés comme prisonniers, seraient échangés dans le courant du mois. Le château de Carrickfergus, qui n'avait opposé qu'un simulacre de résistance, devait être conservé intact. Les Français s'engageaient à ne pas piller la ville. Enfin, dernière clause de la Convention, les habitants promirent d'approvisionner les vainqueurs. Ce succès pouvait être suivi de plusieurs autres. Thurot voulait que l'on marchât sur Belfast, près de Carrickfergus. On devait y trouver des vivres et plusieurs bateaux. Mais Flaubert refusa, sur un ton très insolent, de continuer les opérations. L'alarme, rapidement répandue par les mille bouches de la renommée, avait plongé tout le pays dans la consternation. Les troupes prennent les armes, les milices se soulèvent. Une armée anglaise marche contre Carrickfergus. Dans ses rangs se trouvent, outre une multitude de bourgeois et de paysans, trois régiments d'infanterie régulière, un régiment de lanciers et un régiment de dragons. À cette nouvelle, Thurot, pressé par ses officiers, se hâte d'enclouer les canons de la place et de reprendre la mer, après avoir saisi de navires anglais chargés d'étoffes. Le 28 février, sur les 4 heures du matin, il tombe tout à coup au milieu d'une escadre ennemie commandée par le capitaine John Elliot et composée de 3 frégates bien équipées. Il essaya d'abord de s'échapper du côté de l'île de Man. Ses navires, qui avaient horriblement souffert des tempêtes, ne purent voguer assez vite. Ils furent atteints vers 1 heure de l'après-midi. Exaspéré par tous les contretemps qu'il a subi pendant cette expédition où les vents, les flots, la famine, ses officiers et ses soldats ont été ses principaux adversaires, Thurot voit avec satisfaction qu'il faut enfin combattre. Il donne le signal et se dispose à recevoir rudement l'escadre anglaise. Malheureusement, ses capitaines ne montrent pas la même animation. Ils répondent faiblement à la canonnade de John Elliot. Leur attitude ne fait qu'augmenter la fureur du corsaire. Il se voit perdu et se bat comme un désespéré. Ses munitions étaient presque épuisées. 10 de ses canons n'étaient pas en état d'agir. Son équipage était décimé, fatigué, exténué. Enfin, son navire était délabré. Malgré cela, il tint bon. Après avoir inutilement fait le signal de ralliement pour appeler ses 2 frégates à son secours, il se décide à combattre seul les 3 vaisseaux ennemis. Plusieurs de ses canonniers, perdant courage, commencent par s'enfuir à fond de cale malgré des exhortations. Voyant qu'il n'y a pas moyen de soutenir avantageusement le combat d'artillerie, Il tente un abordage, se précipite sur Réole, commandé par Elliot, il est repoussé. Il fait alors de nouveaux signaux de ralliement pour appeler à leur devoir la blonde et le terpsichore. Mais ni l'une ni l'autre ne vient à son secours, elle ne tire même plus un seul coup de canon. Il ne peut s'empêcher de dire, en parlant du capitaine de la blonde, « Voilà un homme sur lequel je me reposais, il m'abandonne. » Quelques officiers, croyant inutile de se défendre plus longtemps, parlaient de se rendre. Il repoussa cette proposition avec colère. Il avait trop de bravoure pour se laisser conduire prisonnier en Angleterre et trop d'orgueil pour survivre à sa défaite. Ce combat inégal durait depuis 2 heures. La belle île n'en pouvait plus. Dématée de son artiment et de ses mâts de hune, démunie de ses manœuvres, défoncée sous la hanche de tribord, crevée à la sainte barbe, ne pouvant se réparer, s'emplissant d'eau comme un panier d'osier, découronnée à son gaillard d'arrière, incapable de manœuvrer faute de gouvernail, le sien ayant été fracassé, il ne lui restait plus d'autre alternative que de se rendre ou de couler. Elle allait disparaître lorsque Thureau, se débattant au milieu du carnage, excitant ses gens, fut mortellement frappé, au creux de l'estomac, par une balle de pierrier, au moment où il ordonnait encore une bordée. Il se fit porter dans sa cabine et expira presque aussitôt entre les bras de sa maîtresse. Ainsi finit le corsaire à l'âge de 33 ans. Tandis qu'il rendait le dernier soupir, la frégate, hors de combat, ne possédant plus ni Beaupré, ni bergue, ni misaine, criblée par les boulets, pleine d'eau jusqu'au de la cale, manquant de poudre, ayant perdu 90 hommes d'équipage, sans compter les soldats, la Belle-Île, concernée par la mort de son chef, annonça ses couleurs. Les autres navires en firent autant, presque sans avoir combattu. La Blonde et la Terpsichore, qui n'avaient aucunement souffert, furent incorporées dans la marine royale de l'Angleterre et vinrent presque aussitôt croisées, d'une façon insultante, devant nos côtes. Dans le moment qui suivit la prise de la Belle-Île, nul ne s'occupait de Thureau. Sa maîtresse éplorée fut violemment séparée du corps inanimé qu'elle finissait de coudre dans un tapis. Les vainqueurs jetèrent le cadavre à l'eau sans autre forme de cérémonie, et l'on n'y pensa plus. Elliot, traité en triomphateur, reçut les solennels remerciements du Parlement irlandais. On alluma des feux de joie sur toutes les côtes, on composa des chants religieux, on récita des thanksgiving, des actions de grâce, on multiplia les hurrahs, on s'enivra de gloire et de bière. Cependant, les flots rejetaient de temps en temps quelques cadavres décomposés. Un jour, des pêcheurs de la côte sud-est de Luce Bay, en Écosse, en trouvèrent un qui était encore enveloppé dans un tapis de velours. Cette pièce d'étoffe leur ayant semblé bonne à prendre, ils se mirent en mesure de s'en emparer. Sous le tapis se trouvait un mort richement paré d'un brillant uniforme, avec les insignes de chef d'escadre de la Marine royale de France. C'étaient les restes de François Thureau, du corsaire qui avait fait trembler l'Angleterre. Son cadavre était tombé dans un tel état de putréfaction que ses membres se détachèrent du corps lorsqu'on voulut le déshabiller. Dans une de ses poches, on trouva sa boîte à priser, avec son nom gravé sur le couvercle. Sa montre fut retirée de son gousset. Elle est aujourd'hui possédée par un gentilhomme du Castle Douglas. Son épée, à la poignée d'ivoire, fut envoyée à Édimbourg, où les cicérones ne manquent jamais de la montrer comme un trophée aux rares Français qui viennent y visiter le musée des antiquités écossaises. Lord William Maxwell, seigneur de la terre sur laquelle les vagues avaient rejeté le corps, se rendit propriétaire de la boîte à priser et en fit hommage au capitaine Elliot en lui prédisant qu'il serait bientôt amiral, ce qui ne manqua pas d'arriver. Quant au cadavre, William Maxwell le fit honorablement enterrer dans le cimetière de Kirkmaiden. Il voulut conduire lui-même le deuil et fut accompagné par une foule silencieuse qui avait assisté, du haut des falaises, au combat désespéré pendant lequel Thureau couronna, par une fin mémorable, sa périlleuse existence. La France, c'est-à-dire le roi et sa cour, la France d'alors, habituée aux désastres maritimes, ne prêta qu'un médiocre intérêt à la nouvelle de cette mort regrettable. Voltaire fit, en 2 lignes, l'oraison funèbre du corsaire. « Voilà ce pauvre capitaine Thureau gobé, lui et son escadre et ses gens. La mer n'est pas du tout notre élément. » Et c'est tout. Thureau laissait une veuve qui était illégitime et une fille de 6 mois qui n'était pas moins. Madame de Pompadour, dont la position était également irrégulière, se déclara leur protectrice dans une lettre où elle dit au maréchal de Belle-Île qui la sollicitait « J'ai dans mon idée que si Thureau eût eu le commandement de la flotte à Brest, les choses auraient pris meilleur tour. Il était la dernière espérance de notre marine. Je vais prendre soin de sa famille. » En effet, ayant obtenu de Miss Smith une abjuration du protestantisme, elle lui servit une petite pension. À la Révolution, sa fille subsistait au moyen d'une pension de 300 livres sur les économats qu'on lui avait accordée en considération de la conversion de Demoiselle Smith, sa mère. Thoreau réunit tout ce qui peut plaire à l'historien et au romancier. Jeunesse, origine presque mystérieuse, aventure galante, beauté, courage, instruction, renommée, gloire. Sa fin héroïque suffit à elle seule pour illustrer une existence si brillante et si rapide. Et pourtant, il est presque oublié. Son nom est à peine prononcé par nos historiens maritimes. Le public ignore jusqu'à son existence. Il repose sur la terre étrangère. C'est là seulement qu'il est connu, admiré, compris, par un peuple de marins. Ses cendres gisent parmi les ruines vénérables de Kirkmaiden. Nulle pierre ne marque la place où il dort, mais de temps en temps, quelque jeune bergère vient paître ses brebis au milieu de cette solitude, et ses chants plaintifs rappellent encore les amours et la fin prématurée de Gallant and Gentle Thoreau. Ainsi s'achève « Vie et aventure » de Thoreau le corsaire par Jules Trousset.